Réponse à l'ambiguïté de ceux qui autorisent l'entrée dans les parlements législatifs. Leur première ambiguïté, leur argument, au point où l'auteur du livre, La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives, a dit en page 42, si l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le pouvoir faisant partie des obligations et des conditions de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas approuvé le négus, surtout quand il a qualifié, après sa mort, d'homme pieux. Fin de sa parole. En réponse à ceci, nous disons, il se peut que la plume de l'auteur ait été plus rapide que lui, donc il n'a aucune excuse à part cela, car ce genre de parole est une preuve d'une grande ignorance des bases de la religion. Comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'islam, alors que des arguments sont là pour traiter de mécréant, d'injuste et de pervers, celui qui gouverne avec autre que ce qu'Allah a fait descendre. Puis, comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'islam, alors qu'Allah a démenti ceux qui prétendaient à la fois en ce qui a été révélé, tout en demandant justice à At-Tarut. Puis, comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'islam, alors qu'Allah le Très-Haut a ordonné le désaveu des mécréants, ainsi que de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah? Comment pourrait-il être permis aux musulmans de se placer lui-même en tant que membre dans une assemblée législative alors qu'Allah le Très-Haut a montré que les législateurs en dehors de lui sont des associés et seigneurs? Bien plus que cela, comment pourrait-il être permis aux musulmans de demander justice à ce qui contredit la législation d'Allah alors qu'Allah a montré que la demande de justice est considérée comme une adoration et celui qui l'attribue à une autre législation que celle d'Allah parmi les législations des Tawarites, c'est un associateur mécréant, qu'Allah nous en protège, même s'il n'y croit pas ou ne la rend pas halal. En effet, la demande de justice à Tarut fait partie des actes de mécréance majeurs, et ceci n'a pas besoin d'être rendu halal pour que celui qui le fait soit mécréant. Allah nous a donc ordonné de rejeter à Tarut, et ceci en ne lui demandant pas justice. Celui qui demande justice à At-Tarut n'a certes pas mécru en lui, car délaisser la demande de justice à At-Tarut est une condition pour la validité de son rejet. Sulayman ibn Abdullah el-Sheikh, rahmahullah, a dit dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid, page 419, chapitre « La parole du Très-Haut, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire ?» Sourate 4, verset 60. Dans ce verset se trouve la preuve que délaisser le jugement du Tarut, c'est-à-dire tout jugement autre que le Qur'an et Sunna, fait partie des obligations. Et celui qui lui demande justice à At-Tarut n'est pas croyant, encore moins musulman. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, a dit « Quant à la façon de mécroire At-Tarut, il faut que tu sois convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est vaine, que tu la délaisses, que tu la détestes et que tu traites de mécréants ses partisans et que tu les haïsses. » Majmou' At-Tawahid, première risale. Ainsi, celui qui est convaincu de la vainité de l'adoration d'autre qu'Allah le Très-Haut, puis qu'il ne la délaisse pas, ne pourra pas être considéré comme ayant rejeté At-Tarut. De la même façon, celui qui est convaincu de sa vainité, puis délaisse son adoration, mais l'aime et ne le déteste pas, alors il ne pourra être considéré comme ayant rejeté At-Tarut. Le Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan el-Sheikh, rahimahullah, a dit « Celui qui demande justice à autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, après connaissance, est un mécréant. » Ad-Durar Samniya, volume 10, page 426. Au Cheikh de craindre Allah par rapport à ce qu'il a fondé sur ce sujet, car son bon objectif ne lui sera d'aucune utilité, ni sa bonne intention, pour que se propage de sa part ce genre de paroles. Ces paroles ont été prononcées avec leurs conséquences et en ont fructifié des épines. Nous avons vu des gens qui ont pris ce courant et qui attestent de l'intégrité de la justice. Et parmi eux, certains apprennent dans les universités de non-droit et usent de cette justice afin d'exécuter des jugements et de défendre sans y avoir d'inconvénients. Quelle mélancolie pour celui qui permet cela et entraîne la communauté dans la perdition. Ô le fort dans la grandeur et la bienfaisance, c'est à toi que nous plaignons la détresse de l'islam. Après cela, nous commençons avec l'aide d'Allah et sa réussite à répondre au sujet de cette ambiguïté. Nous disons, Premièrement, Allah le Très-Haut dit « Apportez votre preuve si vous êtes véridique ». Sourate 2, verset 111. Un poète a dit « Si les prétentions ne sont pas suivies par des preuves, alors celui qui les apporte n'est que prétentieux. Ô toi, celui qui prétend que le négus gouvernait avec autre législation que celle d'Allah, et que cet homme pieux jugeait avec autre que la vérité, apporte-nous un consensus ou un texte authentique relié au compagnon qui témoigne de ce que tu as dit à son égard, ou ne serait-ce qu'un seul événement où il a jugé après sa conversion avec une autre législation que celle d'Allah. Deuxièmement, l'argumentation par l'histoire du négus est basée sur le raisonnement par analogie. Et il est connu que le raisonnement par analogie est le fait d'emprunter un jugement déjà prononcé dans le passé pour un événement présent, tous deux étant similaires en causalité et sans différence. Et parmi les conditions du raisonnement par analogie, on trouve l'absence de texte ou de consensus reconnu pour Al-Farr. Cependant, on est en possession de textes qui stipulent que l'annulation ou le remplacement de la loi d'Allah par une autre loi est de la mécréance. Allah a dit « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable les égarait très loin dans l'égarement. » Sourate 4, verset 60. Le Shir Abdurrahman ibn Hassan al-Shir rahimahullah a dit « La demande de jugement à At-Tarut est une croyance en lui. » Le Shir Abdurrahman al-Sa'di, concernant la parole d'Allah, sourate 4, verset 59, a dit « Ceci montre que celui qui ne se réfère pas à eux, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans les litiges, n'est pas croyant, mais croit à At-Tarut, comme l'a indiqué le verset suivant. » D'une part, comment alors peut-on utiliser le raisonnement par analogie en présence de textes ? La règle de base dans la jurisprudence islamique, ou sous le fiqh, indique bien la vainqueté du raisonnement par analogie lorsqu'un texte est présent. D'autre part, l'absence de différence entre l'asl et le farz fait partie des conditions du raisonnement par analogie. Et ici, l'asl, c'est l'acte du négus, cité auparavant. Et la participation aux assemblées législatives, avec tout ce qu'elle implique, ils ont proclamé dans le but de l'intérêt général que le négus était un roi qui n'a jamais gouverné avec la loi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intérêt général de son peuple. Et c'est pour cela que nous rentrons dans ces parlements par analogie au négus. La réponse à cela est que nous disons, après avoir pris connaissance que l'absence des différences est indispensable pour toute analogie, nous concluons que cette soi-disant analogie est vaine due à l'existence de différences entre les deux cas, le négus et les parlementaires. Parmi ces différences, on trouvera, première différence, vous ne divergez pas avec nous sur le fait que le négus est mort avant la fin de la révélation des lois et avant la révélation du verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Ce verset a été révélé lors du pèlerinage d'Adieu, en l'an 10 après l'Hégire, alors que la mort du négus a eu lieu bien avant la victoire de la Mecque. Et ceci indique que de nombreuses lois islamiques n'ont été légiférées qu'après. Et prends l'exemple de la sourate « La table servie », qui est celle qui comporte le plus de jugements. C'est dans celle-ci qu'Allah a qualifié de mécréant celui qui ne gouverne pas d'après sa législation. Elle n'a été révélée qu'après la mort du négus, car elle fait partie des dernières sourates révélées. Et d'après certaines sources, elle est même la dernière à avoir été révélée. De ce fait, elle a sans aucun doute été révélée après la mort du négus. Comment osez-vous comparer le cas du négus, qui est mort bien avant l'accomplissement des lois islamiques, avec les membres des assemblées législatives de nos jours, bien qu'ils aient à leur disposition la loi islamique complète ? Deuxième différence. Le négus mourut avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oblige les rois à gouverner avec la loi d'Allah ou à ce qu'il donne, al-jizya. On trouve dans Sahih Muslim, chapitre le djihad, partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit. On trouve dans le Sahih Muslim, le chapitre le djihad, partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit au roi mécréant afin de les appeler à Allah. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Kisra, Qaisar, César, Najashi, Négus, et à tout tyran afin de les appeler à Allah. Et il ne s'agissait pas du négus sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et l'imam Ibn Qayyim a rappelé dans Zad al-Ma'ad, volume 3, page 690. Lorsqu'il a transcrit une version de ce que le négus a écrit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceci est un quiproquo et Allah est le plus savant. Le transmetteur a mélangé et n'a pas su faire la différence entre le négus sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, qui est celui qui a cru en lui et qui a honoré ses compagnons, et le négus à qui il a écrit afin de l'inviter à se convertir. Ils sont deux, et ceci est venu en éclaircissement dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit au négus qui n'était pas celui sur lequel il a prié. Fin de sa parole. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans Al-Bidayah wa Al-Nihayah, volume 4, page 298. Lorsqu'il a évoqué l'année durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des messagers au roi du monde les appelant à Allah. Selon Al-Waqidi, cet événement se déroula durant la sixième année de l'Hijra, plus précisément le mois de Dhul-Hijja, après le petit pèlerinage de Al-Hudaybiyah. Quant à Al-Bayhaqi, il a cité cet événement dans un chapitre évoquant la bataille de Mut'a et Allah seul est le plus savant. Nulle divergence entre eux sur le fait que cela se passa avant la conquête de la Mecque et après Al-Hudaybiyah. Car on trouve que Abu Sufyan a dit à Hiracle, lorsqu'il lui demanda au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Trahit-il ? » Il répondit « Non, et nous sommes en période de trêve avec lui. Nous ne savons pas encore ce qu'il va se produire. » Et dans la version d'Al-Bukhari, ceci se déroula durant la trêve entre Abu Sufyan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a rappelé après cela, rahimahullah, le hadith rapportant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message au négus qui n'était pas le négus sur lequel il a prié. Troisième différence. Le négus appliquait une loi qui n'était pas entièrement falsifiée, car Allah a dit « Mais comment te demanderais-je-t-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah ?» Sourate 5, verset 43. Et cela n'est pas le cas des membres des assemblées législatives. Il aurait suffi de la présence d'une seule différence parmi les trois cités auparavant pour rendre l'analogie caduque. Alors que dire en voyant ces trois différences? Nul doute qu'une analogie similaire est vaine. Troisièmement, il est ambigu de s'appuyer sur une pareille analogie. Cependant, Allah nous a ordonné de suivre ce qui est clair et de s'écarter des ambiguïtés. Les preuves que nous avons citées auparavant sont claires. Et nous nous étonnons de leur délaissement pour prendre en compte des suppositions ambiguës. L'imam At-Tabari, rahimahullah, a dit dans son tafsir que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, Allah a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Sourate 3, verset 7. Les versets clairs, ce sont les versets qui abrogent ceux qui parlent du licite et de l'illicite. Les versets qui évoque les obligations et les punitions et les versets que l'on doit croire et appliquer. Allah a dit, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses, les versets équivoques. Ce sont les versets abrogés, les versets auxquels on doit croire mais que l'on ne doit pas appliquer. L'histoire du négus fait partie de ce qui a été abrogé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au roi en les appelant à l'islam ou à la collecte de l'jizya. Et cela se déroula après la mort du négus, comme l'avait précisé le hadith dans Sahih Muslim, cité auparavant, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à un négus, mais qui n'était pas celui sur lequel il a prié. Quatrièmement, le moindre que l'on puisse dire sur celui qui ne gouverne pas avec la loi d'Allah est que celui-ci est transgresseur, pervers. Il portera le fardeau de ceux qui se réfèrent à la loi de Tarut. Il possède le même statut que celui qui construit un tombeau et qui demande aux gens de tourner autour, une adoration que l'on ne peut vouer qu'à Allah. Nul doute que celui qui empêche les gens de se référer à la loi d'Allah et les incite à se référer à la loi du Tarut n'est que transgresseur et pervers. C'est le moindre que l'on pourrait dire de lui. Et ceci est complètement faux pour le négus, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié d'homme pieux et droit. Le négus était une personne qui suivait la loi de la Torah et n'était point suiveur de la loi des Tawarit. Et Allah fait son éloge dans son livre lorsqu'il a dit à son sujet et au sujet de ceux qui étaient avec lui. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 5, verset 82. Nous croyons qu'il fait partie des gens dont ce verset parle. Allah a dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Et finalement, après cette constatation, la situation s'éclaircit et il t'apparaît la différence entre les deux situations, la situation du négus et celle des parlementaires. Le négus était un roi mécréant qui a entendu un héros appelé à la foi. Puis il a cru et s'est soumis et conformé. Puis s'est acquitté de tout ce qui lui est parvenu de la vérité et a secouru avec ce dont il était capable. Il a montré son dévouement pour cette religion et sa disposition pour délaisser éventuellement son royaume et émigrer dans le sentier d'Allah. Il a aussi montré son désaveu vis-à-vis de tout ce qui contredit cette religion, mais il est mort avant le parachèvement de la législation. Tandis que l'autre situation, elle diffère complètement de celle-ci. Les gens se sont imposés des choses qu'Allah ne leur a point ordonnées et ont commis ce qu'il leur a interdit. Ils ont utilisé des moyens interdits et ils ont pris un shirk comme moyen pour arriver à tawhid et la désobéissance pour arriver à l'obéissance. Et ceci de leur part après le parachèvement de la législation et la distinction de la voie claire. Comment donc est-il convenable de comparer cette situation et avec tant de différences si étendues? Alors que la règle dans les bases dit « l'analogie avec une différence est invalide ». Puis encore, comment peut-on argumenter avec cette histoire de son origine avec autant d'allusions dans son sens? Alors que la règle dans les bases dit « si l'argument possède plusieurs allusions dans son sens, il n'est plus valide en tant qu'argument ».